montagne, le soleil disparut dans le vert. Après une journée de labeur, je rentrais chez moi fatigué. Elle n'a même pas eu le temps d'avoir peur, la petite bête qui surgit de la haie. Cric croc croc comme une noisette, cric croc croc quand je roule sous ta tête. Cric croc croc comme une noisette, cric croc croc quand je roule sur ta tête. Petite fille, ne pleure pas, mais ton petit chat ne rentrera pas. Je ne l'ai pas fait exprès, cela me chagrine un peu. Même s'il est mort sur le coup, c'est vrai, le petit chat est bien moins gracieux. Je profite de l'occasion et demande alors à ma fille, peux-tu me décrire le son de nos roues sur sa petite bille. Ça fait cric crac croc comme une noisette, cric crac croc quand je roule sur ta tête. Cric crac croc comme une noisette, cric crac croc quand je roule sur ta tête. Petite fille, ne pleure pas, ne rentrera pas. Son corps est mêlé à l'asphalte, son pelage comme un tapis soyeux. Toute plate, ses petites pattes, regarde, on dirait que la route a des yeux. 3,5 tonnes sur son corps frêle, font d'un petit chat une carpette. Si une chose est sûre, c'est bien qu'elle ne griffera plus jamais la sale bête. Car cric crac croc comme une noisette, cric crac croc quand je roule sur ta tête.